إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا 12 في دراسة كتاب المورد العجب الزلال للعلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى. C'est notre deuxième rencontre autour de l'étude de ce livre du Cheikh de l'éminence Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi hafidhahullah ta'ala, qui est intitulé La source douce et la source délicieuse et abondante dans la critique de la, des voies de da'wa et des actes ainsi que des croyances. Fa marra ma'ana al-bab al-awwal fi al-hikmah allati khalaqa Allah ta'ala الناس من أجلها، والباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الخلق من أجلها، والباب الثالث أن الرسل هم الأدلاء على الله، والباب الرابع في ضمانة النجاة، والباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله، والباب السادس في بيان أن الانحراف عن نهج الرسل ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه. Nous avons vu auparavant le premier chapitre qui est le fait. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé les génies et les humains, le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les génies et les humains. Le deuxième chapitre, c'était un éclaircissement sur l'adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains et les génies. Le troisième chapitre, c'était que les messagers alayhi salatu salam, ce sont les seuls qui sont les guides vers Allah azza wa jal. Et le quatrième chapitre, c'était dans comment se garantir le fait d'être sauvé. Et le cinquième chapitre, c'était un éclaircissement sur la voie du messager alayhi salatu wassalam dans la da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Le sixième chapitre, c'est un éclaircissement sur le fait de dévier de la voie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est délaisser la rectitude et la voie droite. Donc ici, c'est en quelque sorte des fondements que Cheikh nous donne, des repères auxquels il faut revenir. Ce sont des règles pour nous et des points de repère pour être tranquille dans notre de notre dawa, que ce soit dans notre adoration, que ce soit dans notre dawa ila Allah, que ce soit dans notre comportement avec autrui, etc. والآن يبدأ الشيخ فيكون معنا الباب السابع في بيان أن الحزبية ليست من نهج الأنبياء بل هي بدعة. التحزب على الآراء هذا من البدع الجديدة، وهذا مذموم في دين الله عز وجل. والتحزب المذموم والتحزب للحق، الاجتماع على الحق والاجتماع على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، منهج صحابة رسول الله. والمذموم هو الذي تجتمع على آراء المفكرين وآراء الناس ويتركون الحق جانبا. Donc maintenant, Cheikh de commencer de nous montrer dans le septième chapitre, il nous éclaire sur le fait de se constituer en partie et de prendre parti pour des avis et pour des principes qui ont été fondés par des hommes. Ceci est mauvais, ceci est un égarement. Hein? Et que ceci ne fait pas partie de la voie du messager alayhi salatu salam, ni du prophète alayhi salatu salam, ni de la voie de nos plusieurs d'Allah alayhi. En quelque sorte, ce chapitre va nous éclairer, va nous montrer la démarche contraire et la voie contraire de ce qui est passé auparavant, qui est le fait de marcher sur la voie des prophètes alayhi salatu salam et de prendre la rectitude. Maintenant, cher, il va nous montrer la déviation, comment il est. Et quelle forme il a, quel visage il a, quelle couleur il prend. Hein? Al-Ma'a, Al-Bab Sabi' وهو أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل هي بدعة. الحزبية ليست تحزب على الآراء، تحزب على الأشخاص والتعصب للأشخاص، هذا ليس من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه بدعة. وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc ici le chapitre, le septième chapitre, c'est le titre, c'est le fait de se constituer en groupe et de prendre parti pour vis-à-vis de personnes qui sont loin des preuves, etc., et loin de la parole d'Allah, Azzawajal, et de l'authentique de la sunna du prophète, ceci ne fait pas partie de la voie des messagers, alayhi sallatu wassalam. Et ceci est une innovation. Et toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu de l'enfer. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que, nous a enseigné que celui qui innove quelque chose, qui ramène quelque chose de nouveau dans cette religion, il lui sera rejeté. Celui qui œuvre une œuvre qui n'est pas dans les enseignements de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans notre version, il lui sera rejeté. فيقول حفظه الله تعالى لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزيرة العربية تموج بالقوميات والعصبيات فكل قبيلة تقدم ولاءها وتحصر انتماءها وتخص بنصرتها أفراد تلك القبيلة حتى قال قائلهم وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي أي يؤيد بعضهم بعضا على ما يريد سواء كان حقا أو باطلا وينصر بعضهم بعضا فيما يهوى سواء كان محقا أو مبطلا. Cheikh de commencer ce chapitre avec, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Mohammed alayhi sallatu wasalam à la péninsule arabique, alors que la péninsule, qu'est-ce qu'il y avait? Les gens étaient sectaires pour leur tribu, pour leur race. Et les idées de leur tribu, c'est elles qui priment sur tout. Leur appartenance prime sur tout. Et ils font l'alliance pour ça et ils les avouent pour ça. Ils font triompher leur appartenance à leur tribu. Et ils mettent en avant tout ce qui concerne leur tribu par rapport aux autres. Jusqu'à tel point que l'un des leurs a dit « Je ne suis qu'un membre de Rouzeïa. Je suis quelqu'un qui appartient à Rouzeïa. C'est une tribu. S'il s'égare, je m'égare. Et si Rouzeïa s'oriente vers le bien, ben je suis dans le bien. » Maintenant, tu prends cette parole de ce poème, tu dis, je ne suis qu'un tibliri. Si tibliri s'égare, ben je m'égare. Et si ils sont dans la bonne voie, ben je les suis. Je ne suis qu'un ikhwani. Si l'ikhwan, si les iguanes s'égarent, ben je m'égare aussi. Et s'ils prennent la bonne voie, ben je prends la bonne voie. Je suis qu'un yassini. Si les yassinites sont égarés, ben je m'égare avec eux. Et s'ils sont sur la bonne voie, et ainsi de suite. C'est le sectarisme, c'est le fait de prendre parti, de se constituer en hizb, c'est tahazzoub, le fait de prendre parti pour les principes du groupe, pour les principes de la tribu, pour le national, etc., etc. Donc tahazzoub, beaucoup de choses rentrent en ligne de compte. Et dans tout ça, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que on cède les uns les autres par rapport à nos avis. Que ce soit vrai ou faux, on se triomphe les uns les autres par rapport aux principes fondamentaux de la tribu, qu'ils soient vrais ou faux, ou là aux principes fondamentaux d'Yel Ikhwan, ou là aux principes fondamentaux d'Yel Tibli, ou là d'Yel Yassine, que ce soit vrai ou faux, que ce soit conforme au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi sallam et la voie du puiséen, ou que ce soit le contraire, peu importe. L'essentiel c'est de faire triompher le parti. فلما جاء الإسلام أمر بالوحدة والالتئام ومنع التفرق والانقسام لأن التفرق والانقسام يؤدي إلى التصدع والانفصام لذلك فهو يرفض التحزب والانشطار في قلب الأمة المحمدية الواحدة التي تدين لربها بالوحدانية ولنبيها بالمتابعة شأنها شأن الأمم الماضية في الرسالات السابقة فقد اتفقت الرسالات السابقة جميعا على توحيد الله الذي خلق هذا الكون وهو المالك له والمتصرف فيه وعلى الدعوة إلى وحدة الأمة في عقيدتها وعباداتها ومنهجها ووحدة المصدر الذي تتلقى عنه وهو الرسول الذي تتبعه. والدليل على ذلك قوله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبرا على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. Le Cheikh de continue de nous dire, quand l'islam est arrivé, il a ordonné le fait, l'union, et le fait de se constituer en un seul bloc. Il a interdit la division. Parce que la division ramène à la faiblesse, et ramène au fait qu'il va y avoir plus, beaucoup de groupuscules. L'islam refuse et rejette le fait de se constituer en partie pour des idées qui ne viennent pas du livre d'Allah Azza wa Jalla et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. L'islam rejette le fait de diviser la communauté de Muhammad alayhi salam, qui a un seul digne d'être adoré, qui est Allah Azza wa Jalla, et qui a un seul prophète qui est le seul digne d'être suivi. Et la situation de la communauté de Mohammed a.s. c'est la même situation que les communautés auparavant avec leurs messages et leurs messagers. Car les messages que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés sont unanimes sur le fait d'appeler vers le fait d'unifier Allah azza wa jalla dans les actes d'adoration. Tous les messages sont unanimes là-dessus. Sur le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Sur le fait que tous les messagers ont appelé vers ce point essentiel et ce principe essentiel. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a créé cet univers et c'est lui qui le possède au sens large du terme et c'est lui qui le gère comme il veut. Et tous les messagers, alayhi salatu salam, tous les messages sont unanimes sur le fait d'appeler leur communauté au fait de s'unir autour du message et autour du messager, dans leurs dogmes, dans leurs croyances, dans leurs adorations, dans leurs voies, et dans l'unicité de leurs sources, d'où ils ont leur législation, et d'où ils prennent leur voie. Donc ils sont tous unanimes sur le fait qu'il faut suivre le messager qui leur a été envoyé. Et la preuve pour tout ça, c'est ce que nous cite Allah Azza wa Jal dans Surah Shura, versets 13 et 15. Il vous a légiféré de la religion ce qu'il a ordonné à Nuh. Et ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire à Muhammad alayhi salatu salam. Et ce que nous avons ordonné à Ibrahim, ou à Moussa, ou à Isa. Qu'il faut accomplir la religion. Il ne faut pas s'y diviser dans la religion. Et ceci est énorme pour les associateurs de les appeler à ceci. Et Allah subhanahu wa ta'ala choisit qui il veut et guide qui il veut. Et ils ne se sont divisés qu'une fois qu'ils ont reçu les éclaircissements et la science. Et ceci par orgueil de leur part, parce qu'ils veulent dépasser leurs limites. Et si ce n'est pas une parole qui a été dévancée de la part d'Allah azza wa jal, qu'il les laisse jusqu'à un terme bien défini, il aurait tranché. Ils les auraient châtiés. Et ceux qui ont hérité le livre, après eux, ils sont dans un grand doute, dans un énorme doute. Et ainsi, il rappelle, il interpelle notre prophète, alayhi salam, dit, c'est vers ça qu'il faut appeler, et sois droit dessus, comme il t'a été ordonné, et ne suis pas leur passion. C'est-à-dire, il faut que tu appelles vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, et vers l'unité de la communauté, de ne pas se diviser dans la religion, et ne suis pas leur passion, c'est-à-dire tu ne suis pas ce que veulent les gens. Maintenant, à notre époque, ce qui est l'homme auquel qui est, qu'on désigne des doigts, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à la communauté tout ce qu'il veut. Et les gens le suivent. Ils ont dans la bouche que son nom. Parce que toute leur passion, ils leur passent, ils leur donnent des autorisations. À tel point parmi certains, sur une chaîne, il dit comme ça devant, comme si les gens ils sont stupides. Il dit ce genre de fatwa qu'on donne, ils sont tout simplement pour les musulmans d'Europe. Ils sont basés sur des hadiths faibles, ils le reconnaissent ici, ils sont basés sur des hadiths faibles. Mais pour vous les orientaux et les autres dans les pays de l'islam, ça ne vous concerne pas. Comment tu divises la communauté comme ça? Comment cela, sur quelle preuve tu te bases pour légiférer à ceux-là avec des hadiths faibles et de le couper de la communauté et de les constituer d'un corps particulier? C'est ce qui a fait dire une fois, j'ai entendu à une personne d'un certain âge, il me dit, mais nous les musulmans d'Europe, subhanallah, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ce qu'il a gobé de l'Khassira, ou il l'a gobé de Khra, ou il l'a gobé de quelque part. Il ne l'a pas ramené comme ça de lui. C'est un âme mimskin. Mais il l'a gobé de quelqu'un comme celui-là qui a dit sur une chaîne, alors d'une audience, hein, où les gens sont à l'écoute d'eux, ça se sont dit, on sait que c'est des hadiths faibles, subhanallah, tu le sais. Hein? Et, mais c'est juste pour les gens d'Europe, pour faciliter la situation aujourd'hui. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, cette religion, il est facile. La facilité, il est dans cette religion. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux gens que ce qu'ils peuvent faire. Hein? Et quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils sont incapables, ils n'ont pas les capacités, etc. C'est un autre hukm. Allah subhanahu wa ta'ala lège pour eux. Comment tu peux leur légiférer quelque chose qui est contraire à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ou là qui émane d'un hadith mawdou, inventé, ou là d'un hadith faible, etc., etc. Fait qu'on le cheikh huna, aïe, d'oum ila tawhidillah, ou wahdati l'umma. Fait d'oum. Fait huwa d'dinu l'haq ladhi shara'a Allah azza wa jalli safwati safwa. وهم أولو العزم من الرسل نوح إبراهيم موسى عيسى وما أوحينا إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Donc ce verset des Cheikh, c'est un verset qui appelle vers le où les messagers ont reçu l'ordre du Mohammed alayhi salatu salam, à la fin du verset a reçu l'ordre d'appeler la communauté vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah azza wa jal, et vers le fait yarhamukallah, et vers le fait de s'unir. La communauté s'unit dans la religion. Il ne se divise pas dans la religion. Et il a reçu l'ordre d'appeler vers cette religion véridique et juste, que Allah subhanahu wa ta'ala l'a géféré au meilleur de la communauté humaine qui sont les messagers alayhi salatu wassalam. Et ici, il s'agit dans ces versets des prophètes et des messagers qui sont doués de fermes résolutions, qui ont une place supérieure par rapport aux autres prophètes. Hein? Qui sont Nuh alayhi salatu wassalam, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad alayhi salatu wassalam. Est-ce que nous t'avons révélé à Muhammad toi aussi? C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont reçu ces messagers, toi aussi à Muhammad, il t'a été révélé d'appeler vers le monothéisme et d'appeler vers l'unité dans la religion et vers l'unité de la communauté, dans la religion et dans le monothéisme. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في شرح هذه الآيات من سورة الشورى يقول تعالى لهذه الأمة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بين ذلك من بقي من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعليكم السلام ورحمة الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت عليهم في آية الأحزاب في قوله تبارك وتعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم والذين والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. Donc, الشيخ ici, il nous cite ici cette parole d'Ibn Kathir, dans l'interprétation de Brukatir, dans l'interprétation de ces versets, dans Surah Shura, il dit, Allah a dit à cette communauté, c'est-à-dire à la communauté de Muhammad alayhi sallam, il vous a les efféré de la religion ce qu'il a ordonné à Nuh, et ce qu'il t'a révélé, en parlant de Muhammad alayhi sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a parlé du premier des messagers après Adam alayhi sallam, qui est Nuh, alayhi sallam, et le dernier, qui est Muhammad alayhi sallam. Et entre les deux, il a cité qui? Ceux qui sont restés parmi les prophètes doués de ferme résolution, qui sont Ibrahim, Moussa et Isa, ibn Maryam, alayhi sallam. Et il dit, rahmatullah alayhi, ibn Kathir, rahmatullah alayhi, dit, et c'est ce verset a cité les cinq prophètes dans l'ordre, comme ils ont été cités dans Surat Al-Ahzab, dans la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit, et quand nous avons pris des prophètes, leur pacte, et de toi, et de Nuh, et de Ibrahim, et de Moussa, et Isa ibn Maryam. Et Ibn Kathir de nous dire, et la religion avec laquelle on ramenait les messagers, alayhi salatu wassalam, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, de ne pas lui faire d'associés. C'est pour ça que dans l'autre verset, il dit, chaque fois que nous avons envoyé un messager avant toi, tout messager qui est arrivé, qui a été envoyé avant toi, nous lui avons révélé qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Et dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est authentique, Rasulullah s'en dit, nous autres, les prophètes, alayhi salatu wassalam, ne sont les enfants de différentes femmes. Notre père est unique. Ça veut dire, notre religion est unique, hein, et nos législations sont différentes. Notre religion est unique, c'est-à-dire nous appelons tous vers le monothéisme, et les législations sont différentes. Savoir ce qui est licite dans une religion a été abrogé dans l'autre, hein, et ainsi de suite. Hein. Et ça, c'est là, dans la législation, il y a des différences. Mais la base des bases, qui est le fait d'unir la communauté et le fait d'appeler vers le monothéisme, qui est le monothéisme, c'est le même. Accomplir le monothéisme et se réunir autour de ce monothéisme, ça c'est la base des bases. Après les législations d'un prophète à un autre, ils sont différentes. ففي هذا الباب السابع يبين لنا الشيخ منهج الأنبياء. وأن الحزبية هذه وهذه التفرقات مذمومة. ومن خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. الأولاد هم من كان لهم أب واحد ولكن أمهاتهم شتى. والمعنى نحن أبناء أب واحد أي ديننا يرجع إلى أصل واحد وهو التوحيد. وشرائعنا شتى، أمهاتنا شتى، شرائعنا شتى، الأنبياء كأولاد الأب الواحد، دينهم واحد وهو الإسلام وهو التوحيد، شرائعهم تختلف، موسى له شريعة، محمد عليه الصلاة والسلام له شريعة، وربنا يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرائعهم مختلفة ولكن دينهم واحد الاستسلام لله سبحانه وتعالى في التوحيد والانقياد له. Donc dans ce septième chapitre, Cheikh va nous éclairer sur le fait de se constituer en groupe et de prendre parti pour les idées qui ne viennent pas du livre d'Allah Azza wa Jalla et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ceci est une innovation. Il ne fait pas partie de la voie des messagers alayhi salatu wassalam. Et dans le hadith ici, où les prophètes, où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, nous autres, les prophètes, nous sommes les enfants de différentes femmes, et notre père est unique. Savoir que ce hadith veut dire, notre père est unique, ça veut dire notre religion est unique. C'est l'islam, c'est le monothéisme, c'est la soumission totale à Allah, Azza wa Jal, et c'est accomplir la religion exclusivement pour Allah, Azza wa Jal. Nos mères sont différentes, à savoir que nos législations sont différentes. Hein? Ça veut dire que la législation de Moussa alayhi salam n'est pas la même que la législation de Mohammed alayhi salam. Comme la législation d'Ibrahim alayhi salam n'a pas été la même que la législation de Nuh alayhi salam, et ainsi de suite. Hein? Mais en ce qui concerne le fondement, la religion, il est unique, à savoir le monothéisme. Tous, ils ont appelé vers le monothéisme, et vers le fait de réserver le culte, excusez-moi Allah Azza wa Jalla. Et ceci, il est dit clairement dans un verset, à chaque communauté, nous avons donné une législation et une voix. Les voix, la législation est différente. Mais la base principale, le monothéisme, il est unique. Pour tous les prophètes, alayhi sallatou salam. De Adam jusqu'à Mohammed, alayhi sallatou salam. Jusqu'à ce que, qu'il n'y ait plus personne sur terre, la seule dawa valable, c'est celle qui appelle vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. الآن على وجه الأرض من هم الذين على دين الأنبياء؟ هذا سؤال لا بد يبحث له عن جواب. من هم الذين على دين الأنبياء؟ من هنا تعلم أن المسلمين وحدهم على دين الأنبياء كلهم، وهذا يوجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى. يوجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسحاق عليه الصلاة والسلام، يوسف، موسى، عيسى، كلهم لا يجب لأحد من البشر أن ينتسب إليهم أو ينسبهم إلى نفسه إلا أهل الإسلام. فعيسى وموسى نحن أولى به من النصارى واليهود، إن اليهود كفروا بموسى بكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، والنصارى كفروا بعيسى بكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. وتعرفون ما يقال عن محمد عليه الصلاة والسلام عند اليهود وعند النصارى. Maintenant sur terre, une question qui se pose. Qui sont les gens qui sont sur la religion des prophètes عليه الصلاة والسلام? Les seuls qui sont sur la religion des prophètes عليه الصلاة والسلام. Là, tu dois savoir, et nous le savons tous, alhamdoulilah, que les musulmans, ce sont les seuls et uniques qui sont sur la religion du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, ça implique de notre part le fait de remercier Allah Azza wa Jal, parce que nous sommes sur la voie des messagers alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que nous croyons en tous les messages et tous les messagers alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibrahim alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Ishaq, Yaqub, Ismaïl, Youssef, Moussa, Isa, Saleh et les autres, dont on connaît les noms et dont on ne connaît pas les noms. Les seules personnes qu'ils peuvent se les attribuer, ce sont les musulmans. Je veux dire, Ibrahim est de nous. Moussa est de nous. Isa, nous sommes prioritaires de se l'attribuer. Hein? Pourquoi? Parce que ce soit Yahoud ou Nasara, les Yahoud, ils ont mécru en Moussa alayhi sallallahu alayhi wa sallam. S'y croient leur première croyance. Parce qu'ils n'ont pas cru en Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans le Coran que tout un peuple qui mécroit en un seul messager, il a mécru en tous les messagers. Comme il l'a dit pour Ad, comme il l'a dit pour Nuh. Kaddabat qawmu Nuhin, l'mursalin. Le peuple de Nuh a démonté les messagers alors que devant eux, il y avait qui? Nuh alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah a décrété que le fait de démentir un messager, on démonte tous les messagers. Donc, Isa, c'est nous les prioritaires à s'attribuer Isa alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et Moussa et autres. Parce que nous croyons en tous les messagers. Et eux, ils ne croient pas. Que ce soit les juifs et les chrétiens, ils ne croient pas au message de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils le démontent et vous savez tout ce qu'ils disent sur Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas besoin de ça. Fait l'ajab. كل العجب لمن يقول من المسلمين محمد نبينا وعيسى نبي النصارى. لا والله ما توجد علاقة بين النصارى موجودين الآن وعيسى عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء ثلثوا واشركوا مع الله سبحانه وتعالى وجعلوا عيسى ابن الله وجعلوه إلها وعيسى بريء منهم ونحن أولى بعيسى منهم. وعيسى إذا نزل في آخر الزمن سيحارب هؤلاء. Donc L'étonnement, ton étonnement ne s'arrête pas quand tu entends certains parmi les musulmans, et pas tout simplement le commun. Hein? Pas le commun. Les intellos et les philos, et t'en finis pas avec les hauts. Hein? Ça n'arrête pas. Hein? Tu sais, Mohammed alayhi salatu wasalam, c'est notre prophète, ainsi ils disent. Et Isa, c'est le prophète des Nasara. Par Allah, que non. Il n'y a aucune liaison entre Nasara sur terre aujourd'hui et Isa alayhi salatu wasalam. Parce que, ils associent Allah azza wa jal avec la Trinité. Ils ont dit que Isa, c'est le fils d'Allah. Isa, c'est Allah. Et Isa, quand il va descendre à la fin des temps, il les désavouera. Il prendra les armes contre eux. Il va les combattre. فَلَقَدْ أَخْبَرَنَا الَّذِي لَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى أَنَّ عِيسَى سَيَنْزِلُ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ أي أنه ما يقبل إلا الإسلام. ما في جزية بقي. انتهى عهد الدم. فعيسى عندما ينزل لن يقبل إلا الإسلام. وسيحارب هؤلاء النصارى وسيكسر صليبهم الذي يعبدون من دون الله ويضعونه على صدورهم وهذا الخنزير الذي يختصون بأكله سيقتله عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن عيسى هو أول من يتبرأ من النصارى ويحارب النصارى ولا يقبل منهم إلا الإسلام. هذا هو موقف عيسى من النصارى. Et celui qui ne parle pas de ses propres passions qui est notre prophète عليه الصلاة والسلام a dit que Isa va descendre à la fin des temps. Nous y croyons, irréfutable. Hein? Il va descendre. Quand il va descendre, il va tuer le porc. Il va casser la croix. Hein? Et il prendra plus de jizya des gens. Soit la conversion, soit... Il n'y a plus de jizya. Il n'y a plus de... Il acceptera plus qu'il y ait des communautés non musulmanes dont, à l'intérieur, sous la tutelle de musulmans et qu'ils vont payer la jizya pour, là, fini. Ou l'islam ou rien. Donc, Isa alayhi salatu wasalam, qu'on va descendre, il ne va accepter que la soumission à Allah, azza wa jal, dans le monothéisme, Donc, il va casser la croix, et il va tuer le porc, qui est une caractéristique dans l'alimentation des Nasara là. Hein? Donc, Isa, en agissant ainsi, comme le veut Allah Azza wa Jal, c'est le premier qui dit à vous le Nasara. Hein? Il va rien accepter d'eux, sauf la soumission à Allah Azza wa Jal dans le monothéisme. C'est ça la position de Isa avec les chrétiens de notre époque. Ainsi, ça va être sa position. Il ne sera pas autrement. Parce que celui qui l'a annoncé ne parle pas de ses propres passions. C'est une révélation min Allah Azza wa Jal. فَكَيْفَ نَقُولُ هُوَ نَبِيُّهُمْ وَاللَّهِ مَا لَهُمْ صِلَةٌ بِهِ عليه الصلاة والسلام. عيسى إذا نزل آخر الزمن يكون مع المسلمين ويصلي خلف المسلمين تكرمة الله لهذه الأمة. إذا نزل عيسى تقام الصلاة فيقول الناس تقدم يا رسول الله تقدم يا عيسى صل بنا فيجيب عليه الصلاة والسلام إن إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة وهذا تشريف من الله سبحانه وتعالى وتكريم من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وبهذا جاءت النصوص الصحيحة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وجب علينا أن نعي هذا الأمر وهذه التكريم وهذا التشريف من الله من أين أتى؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخيار هم الذين يمشون في الوسط لا إفراط ولا تفريط ومن خصوصيتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc, comment on peut dire que Isa, il est leur prophète? Par Allah, il n'y a aucun lien entre ce qui existe maintenant et Isa, alayhi salatu wasalam. Quand Isa va descendre à la fin des temps, il va être avec les musulmans et il va prier derrière un imam des musulmans. Quand Isa va descendre et que la prière, l'heure de la prière arrive, les gens vont se tourner vers Isa et dire, oh prophète d'Allah, Azzawajal, viens, sois notre imam. Il dit non. Votre imam, il est de vous. Ça, c'est le nord que Allah subhanahu wa ta'ala fait à cette communauté. Votre imam, il est de vous. Ça, c'est un honneur. Il faut le prendre en considération. Voir cette noblesse avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait particulier cette communauté. Hein? Votre imam, il est de vous. Hein? Et Isa alayhi salatu salam, en tant que prophète d'Allah azza wa jalla, il va prier derrière, dans un rang. Derrière l'imam. Hein? Et ça, les textes sont clairs là-dessus, ils sont authentiques. Il faut voir cette place que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à cette communauté. Et que vous êtes la meilleure des communautés qui a existé pour les gens. Pourquoi? Son meilleur, il est dans quoi? Le fait d'être meilleur, il est dans quoi? Il est dans le fait qu'ils sont des gens du juste milieu. Ni laxisme, ni excès d'un côté, ni de l'autre côté. Hein? Ni extrémisme, ni laxisme. Au milieu. Ils ordonnent le bien, ils s'interdisent le mal. Hein? فمن هنا تعلم يقول لك بعض الجهلة في مدينة ليل لا يجب أن تقول لهذا اليهودي أنت كافر وأنت ولا هذا النصراني أن تقول كافر كيف لا تكفر من كفره الله سبحانه وتعالى والله سألت الشيخ اللحيدان في الصيف الماضي في الحرم لا يا شيخ بعت الورقة فيه ظهر بيننا شباب يقولون كذا وكذا فضحك الشيخ Alors, ماذا تسمي? Là, j'ai envoyé la question à Cheikh Luhaydan au Haram, au mois de juillet dernier. Et quand la question a été lue, il y a des gens parmi nous qui disent qu'il ne faut pas dire du juif et du chrétien qu'ils sont mécréants. Cheikh, il a rigolé, mais un sourire moqueur. C'est pas un sourire moqueur. Il a regardé les étudiants qui sont autour de lui, etc. Il a dit, mais comment tu veux les appeler? Et quand j'ai posé la même question à Cheikh Obeid, subhanallah, il me dit, jeune, tu croyais, subhanallah, je ne sais pas comment tout est renversé chez eux. عيسى يأبان يتقدم إماما للصلاة بهذه الأمة فعيسى بن مريم سيصلي مأموما خلف رجل من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام رأيت فضل هذه الأمة يجب أن نعي ونتفطن لهذا الأمر جيدا ونتفكر فيه فضل هذه الأمة على الأمم فكيف ننسب عيسى إلى النصارى الموجودين الآن ونقول أنهم أتباعه عيسى عليه الصلاة والسلام نصبا نصفون صبا pour être imam dans la prière عيسى va prier derrière comme le commun, derrière, dans les rangs. Il va faire le rang avec les autres prières. Il va prier derrière un imam de ceux qui suivent la voie de Mohammed alayhi salam. Voilà, par là, il faut voir la noblesse et les vertus avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il a comblé cette communauté. Et la place qu'il lui a donnée par rapport aux autres communautés. Comment dans ces cas-là, il sied à quelqu'un qui est doué de raison, qui respecte sa raison, d'attribuer Isa alayhi salatu salam aux chrétiens qui existent maintenant. وسمعتم بعد الأغبياء يقول كيف يا معشر الدنماركيين والأوروبيين تتكلمون في محمد ونحن لا نتكلم في عيسى وكأن عيسى عاش في باريس أو في لندن أو في لاهاي عيسى عليه الصلاة والسلام بريء من هؤلاء الذين ألهوه وجعلوه ابن الله. Vous avez entendu certains? Les insensés, ils ont dit, au Danemark, comment on les appelle en français? Les Danois et autres. Hein? Comment vous parlez, vous autres Européens, de notre prophète, alayhi salatu salam, alors que nous, on ne parle pas de Isa, alayhi salatu salam. Comme si Isa a vécu à Paris, ou là, à La Haye, ou là, à London. Isa, alayhi salatu salam, ils disent à vous tout ça. Tous ces gens-là, ils les disent à vous. Il n'est pas d'eux. وعيسى أول ما ينزل يحارب هؤلاء ويكسر صليبهم ويقتل خنزيرهم فكيف ننسب إليهم عيسى هذا خطأ وهذه من الأفكار المغلوطة الموجودة الآن ومثلها وحدة الأديان هذه كذلك من الأفكار الباطلة. فجميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام بريئون من هؤلاء الوثنيين، فنتنبه لهذا. دونك عيسى عليه الصلاة والسلام première chose qu'il va faire quand il descend, il va casser les statues, il va tuer là, il va casser la croix, il va tuer le porc. Comment on attribue Isa à ces gens-là? Ceci est une erreur. Ceci est une erreur. C'est induire les gens en erreur. Hein? C'est une erreur qui existe maintenant. Et fait partie. Et comme cette erreur aussi le fait d'appeler vers l'unicité des religions. Ça, ce sont tous des pensées nulles et non avenantes. Bah, tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, de Adam jusqu'à Mohammed, alayhi salatu wassalam, disent à vous les gens qui ces adorateurs, ces associateurs à Allah Azza wa Jalla, hein, d'appeler à l'unicité. Maintenant, il y a Allah, l'unicité des religions. Il y a qu'il faut accomplir la prière. Vous l'accomplissez vers quelle direction? Comment vous allez faire le dos? Il y a Allah. Galek Wahd, on va faire la prière abrahamique. Comment il se fait cette prière abrahamique et que dans quelle direction? Vers quelle direction? Et le dos de cette prière abrahamique, comment il est? Vous le prenez d'où? Yallah, j'ai beau. Il y a un petit peu... Quand tu vas, tu cherches, tu rends compte que ces gens-là, ils ont quelque chose qui ne va pas dans leur esprit. Et quelque part, il y a ce complexe d'infériorité vis-à-vis de l'autre. Et donc, il est fait s'anéantir et se rabaisser à ce point-là. Il y a quelque chose de ça. Il y a un effet psychologique. Je vais te donner un exemple. Des fois, tu vois un noir. Un noir, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il n'y a aucune dénigration ni rien du tout là-dessus. Hein? Quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait partie des signes de l'Azza. J'ai les couleurs. Jaune, rouge, noir, etc. Mais regarde, des fois, dans l'imagination des gens d'Afrique du Nord, quand ils voient un noir, ils ont un petit peu, ils se sentent un petit peu supérieurs à lui. Mais quand ils savent que ce noir, il est américain, ils se rabaissent. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un truc qui a été joué sur notre psychique, pour voir Hadak, l'Européen ou Hadak l'Américain, il est supérieur à nous. Alors qu'en réalité, tout le monde est égaux. La seule chose qui fait la différence entre le noir, le jaune, l'américain et l'autre, c'est le fait d'être soumis à Allah Azza wa Jal. Subhanallah. C'est des trucs, des fois tu vois dans la réaction des gens, et tu te demandes, mais où vous avez vos raisons? Vous êtes musulman, ya akhal islam, tu es musulman. La seule chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a constitué peuple, etc. Et parmi ces signes qu'on est des noirs, rouges, etc. Mais la seule chose et la seule vertu qui nous sépare, qui nous élève les uns par rapport aux autres, c'est le fait de préserver les droits de Allah azza wa jal. Hein? C'est tout. C'est la seule différence. Mais nous, l'éducation que nous avons reçue, après que le colonisateur est parti, il nous a injecté le venin du complexe de notre infériorité. Par rapport à l'Américain, par rapport à l'Européen, etc. Hein? Et subhanallah. وأنتم ترون من حولكم تائهين فيما يسمى بحوار الأديان بين خاخامات وقساوسة وأئمة على الطاولة وهذا باطل وزور من القول والبعض في أعياد المسلمين يذهب إلى الكنيسة في أعياد المسلمين إلى الكنيسة عند راعي عقيدة التثليث وهو ومر علي أنا في جنوب فرنسا بقرية اسمها سان جيل راجون في منطقة أفينيو. رفضت عقد إمامة مغري العقد مغري يعني. ولكن من بين الشروط في العقد في عقد الإمام في تلك المنطقة أنه في الأعياد الإسلامية وغير الإسلامية يجب علي أن ألقي كلمة مع القس والخاخام هكذا في طاولة واحدة. وإلى هذا الحد وصلنا عندما انضر لتعليم الناس والدعوة إلى الله ومسؤولية الجمعيات المسلمة في أوروبا من لا يفرق بين كوعه وباعه. لهذا وصلنا. Oui, maintenant ceux qui sont autour de vous, hein, ceux qui appellent vers le débat des religions, la table ronde entre eux, un curé, un rabbin et un imam, là, un prétendant d'aï. Hein? Et ça, c'est nul à la fois. Parce que comment tu fais faire un débat? Tu le mets à pied d'égalité à l'islam? Hein? C'est impossible. Une fois, j'avais envoyé un fax à Cheikh Obeid, il m'a envoyé. Il m'a dit, fais attention aux tables rondes et à ce qu'on appelle le débat des religions. Fais très attention à ça. C'est une innovation parmi les grandes innovations du siècle. Ainsi, il l'a écrit. Un jour, je ramènerai la lettre avec moi, je vais vous la lire. Inch'Allah. Et ça, c'est faux. C'est faux. Comment tu peux mettre à pied d'égalité tout ça? Et certains, pendant les fêtes musulmanes, la fête d'Al-Adha, du sacrifice, vont des fois jusqu'à l'église. Chez celui qui protège le dogme de la Trinité. Pour s'asseoir avec, discuter, un débat, etc. Il m'est arrivé, il y a 2 ans maintenant. Cette année, ça va faire la 2e année. Quand j'étais dans le sud, il m'avait proposé un contrat, le contrat par rapport à la fonction, et au temps qui est donné à cette fonction, le contrat pour la paix, il était alléchant. T'as tout le temps, tu pries tes 5 prières, alors à la mosquée, tu fais tes cours, etc. Mais il y avait un truc dans le contrat. Pendant les jours, pendant les fêtes chrétiennes, ou juives, ou musulmanes, etc., il faut descendre et s'installer à une table ronde, soit à l'église, soit peut-être même à la mosquée. On trouve sur une table ronde entre le rabbin, le curé et toi, et chacun donne sa parole pendant cet événement. À ce point-là, on est arrivé. À mettre des clauses dans les contrats des imams, à ce point-là, on est arrivé. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux quand s'occupe de la communauté musulmane et à la tête des associations, les ignorants qui ne savent ni faire la différence entre leurs poignets et leurs chevilles, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire. Là, il ne sait pas faire la différence entre le cou et le bouet. Qu'est-ce qu'il veut lui faire? يقول الشيخ حفظه الله تعالى أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولهذا قال هاهنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أي لا تتفرقوا في الدين الذي شرع الله وأتت به الأنبياء والرسل أي وصى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف وهذا ما أتى به الشيخ حفظه الله تعالى من كلام ابن كثير رحمة الله عليه في المجلد الرابع في الصفحة 110. Donc, et cher de continuer dans la citation de ce qu'il nous a cité de Ibn Kathir rahmatullah alayh, il a dit c'est le point en commun qu'il y a entre les messagers alayhi wa sallam, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah azza wa jal, de ne pas lui faire d'associés, même si leurs législations sont différentes. La législation des messagers alayhi wa sallam est différente. Mais le point essentiel, réserver le culte, ne pas faire d'associer à Allah Azza wa Jal, et réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, c'est le point nécessaire, il est unique et unanime pour tous les messagers alayhi wa sallam. Ils sont unanimes là-dessus. Et, à tout un peuple, Allah subhanahu wa ta'ala a instauré des législations et des voies. Et c'est pour ça qu'il a dit ici, et accomplissez la religion, ne vous divisez pas dans la religion. Ne vous divisez pas dans la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au messager alayhi salatu wassalam de transmettre à leur communauté. Il ne faut pas se diviser dans la religion. Et il a ordonné à tous les messagers alayhi salatu wassalam de s'unir et d'être uniques hein, de constituer un seul bloc dans la religion. Et il leur a interdit le fait de se diviser, hein, dans la religion. Et d'avoir des divergences dans la religion. Hein. Et ceci, c'est la dernière citation qu'a fait Cheikh Hafidhallahu Ta'ala d'Ibn Kathir dans le quatrième tome. Et toi, tu vois autour de toi beaucoup, peu se sont cramponnés à la religion, et beaucoup se sont divisés au milieu de la religion, dans la religion. Hein? Tu vois les divergences dont a parlé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Les 72 groupes. Regarde. Et chaque groupe, combien il en découle de chaque groupe. Regarde, rien qu'au Rafida, combien de groupes il y a dedans. Dans Shia, combien de groupes il y a dedans. Tu regardes, dans Sophia, t'en finis pas. T'en finis pas. Regardez ce qui est sorti du giron de Jamaat l'Ikhwal al-Muslimin. Regarde ce qui est sorti de ça. Regarde tout ce qui découle de Khawarij. Et tout ce qui a découlé, tous les groupes qu'il y a eu, comment ils se sont divisés dans la religion. فانظر حال الأمة الإسلامية القليل منها تمسك متمسك بالصراط المستقيم وكثير تفرق وحاد عن هذا المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وتأمل مواقف الصحابة رضوان الله عليهم ما عندهم مداهنة في مخالفة السنة لا يساومون في دينهم وعلى عقيدتهم لكن في فروع الأحكام الفقهية يختلفون ولكن لا يتهاجرون ولا يتباغضون والاختلاف الذي يقع منهم في الأحكام التي ليست فيها نص وتحتمل الاجتهاد فرضوان الله عليهم ما كانوا يختلفون عن النص أبدا أو ينحرفون عنه مثل من حولنا الآن. Maintenant, regarde la situation de la communauté musulmane. Peu se sont cramponnés à la voie droite. Et beaucoup se sont divisés de cette voie droite. Et beaucoup ont délaissé cette voie agréée min Allah Azza wa Jal. Et médite sur la situation des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Ils ne se caressent pas dans le sens du poil en ce qui concerne leur religion et les fondements de leur religion. Eux, en ce qui concerne le fait d'être en divergence dans la sunna, ils ne se caressent pas dans le sens du poil. Et ils ne marchandent pas pour leur religion, hein, ni sur leur dogme. Mais dans certains détails, au niveau des lois de la jurisprudence d'Al-Fiqh, ils ont eu des divergences. Mais ces divergences n'ont pas impliqué qu'ils se détestent, et qu'ils se séparent, et qu'ils se séparent dans la religion. Ils ont eu ces divergences dans des situations où il n'y a pas de texte clair. Dans des situations où chacun a penché vers certaines preuves, et les certaines preuves supportent ce cas et supportent ce cas-là. Vont vers ce sens-là et ce sens-là. Mais malgré cela, en prenant ces positions, par exemple, ben, ils se sont pas détestés. Ils se sont pas séparés. C'est pas il a constitué un groupe, il a constitué un groupe. Ils sont restés uniques. Parce que leurs fondements sont solides, ils sont uniques. Et jamais, ridwanullah alayhim, ils étaient en divergence avec la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Même celui qui ne connaissait pas une sunna, quand il entend un de ses compagnons lui rappeler la sunna, il revient à la sunna. Et certains parmi eux disaient, quel ciel va m'abriter, et quelle terre va m'apporter si je dis dans la religion d'Allah, zaujal avec mon opinion. Ainsi ils étaient. Certains maintenant, ils viennent et te jettent des ambiguïtés avec l'acte de Banu Quraïda. Va comprendre ce que c'est que déjà la divergence, et après viens citer Banu Quraïda. Il ne faut pas croire que Hado, ils ont sorti la prière de son heure. Alors que ce soit ceux qui ont prié avant d'arriver à Banu Quraïda, ou que ce soit ceux qui ont prié une fois arrivés à Banu Quraïda, ils ont prié dans la plage horaire déjà. Hada d'une part. Et d'autre part, ils sont restés unis. Ils ne se sont pas divergés. Hein? Parce que chacun a eu cette compréhension. Certains, contre la source, ont compris de la parole du prophète A.S. qui leur a dit ne priez pas l'Asr jusqu'à Banu Quraïda. Certains, ceux qui ont prié au début de l'heure dit l'Asr, ils ont dit, Rasoul Salam a voulu qu'on sorte vite de Médine. qu'on mette en application tout de suite son ordre et sortir très vite de Médine. Les autres se sont dit, ils ont pris le texte sur son apparence, ils sont allés. Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, quand ils sont arrivés tous les deux, unis, leurs cœurs n'ont pas divergé. Approuver cela et cela. Mais cela, ce n'est pas une preuve pour constituer des partis dans l'islam, loin de là. Ce n'est pas ça, yachal islam. Ça prouve que tu ne comprends rien des textes et de la législation de Allah Azza wa Jal. Va, regarde ce que dit Cheikh Nasser sur ce hadith. Et si tu es francophone, tu n'as pas l'arabe, sors un fascicule que les frères d'Yal Bayda dans leur site ont traduit. Ce que disait, Cheikh l'Islam, le Muhaddith al-Zaman, Cheikh Nasser, rahmatullah alayh, comment il explique et quelle interprétation qu'il donne à ce hadith, en ramenant aussi les interprétations de nos plusieurs d'Allah alayh. Il y a beaucoup. Ils jettent ces ambiguïtés au milieu des jeunes. C'est faux. Pas se faire avoir avec ça. Ils te disent, il faut pas diviser la communauté. Là, celui qui appelle vers le monothéisme, il y avait appel vers le fait de se cramponner à la voix de Mohammed alayhi sallam et de s'épuiser, ne divise pas la communauté. Il chasse frère en islam que ce n'est pas lui qui divise la communauté, ni moi, ni toi. Il faut ça que ça sorte de notre tête. Qu'on n'ait pas de complexe intérieurement. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dans son destin des choses. On appelle le destin al-qadar al-kawni, le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut des choses qu'il existe. Il ne les aime pas. Mais c'est une épreuve. Et il y a un destin qui s'appelle le destin légiféré. Al-qadar shar'i, et celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et l'agrée. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas shaitan, il n'aime pas shaitan. Mais il a une épreuve pour que les gens reviennent. Il est un bienfait pour les humains pour revenir vers Allah et avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et lui, il se mord les doigts. La même chose. La division. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a parlé que dans la communauté, il va y avoir tant de groupes. Et sache que le destin d'Allah Azza wa Jal, il a été créé quand? 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, tout ce qui va être dans ce bas monde, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection, il est écrit. Donc avant, gars, que tu sois une goutte de sperme dans, avant que ton père n'ait pensé à se marier avec ta mère. Pourquoi tu viens me dire maintenant? Moi, j'ai rien divisé à l'islam. Rien du tout. Et on arrête de se faire malade avec ça. Là, ceux qui parlent comme ça, c'est, ils ramènent des ambiguïtés. Ils ont quelque chose qui ne va pas. La division, c'est vous qui la ramenez. Parce que c'est vous qui voulez, vous ne voulez pas la rectitude. Vous sortez de la rectitude que vous a tracé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et qu'a suivi Abu Bakr et Omar et Uthman. C'est vous qui créez la division, c'est pas nous. Nous, on dit, venez avec nous à une parole commune. Qu'on réserve le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal et qu'on suit un seul chemin parce que ni digne d'être adoré Allah Azza wa Jal mon attestation et ni digne d'être suivi comme Muhammad alayhi salatu wa sallam implique qu'on réserve le culte à Allah Azza wa Jal qu'on prend un seul chemin tracé par Muhammad alayhi salatu wa sallam et qu'on transmet à Abu Bakr et Omar et les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Nous on vous appelle à ça. Vous nous appelez aux idées de Hassan al-Banna et de Qutb et de Kada et de Kada et de Kada. Qui maintenant a créé la division dans la communauté? Nous ou vous? C'est vous. C'est pas nous. Nous n'avons pas de complexe à avoir. Et je te conseille, frère en islam, là où que tu sois, n'aie pas de truc dans ton cœur. Comprends-toi à la voix de tes aïeuls et sache que c'est la vérité. Et que les guanes, et que Tabligh, et que l'autre, etc., etc., il peut dire ce qu'il veut. C'est lui qui est dans le tort, c'est pas toi. C'est lui qui est dans le tort, et c'est pas toi. Et quand t'as des doutes, tourne-toi vers les hommes de science. Et leur voilà. Je sens ceci, cela, ils me disent ceci, là. Ils vont dissiper le nuage de cette ambiguïté. Ils vont l'anéantir. Ils vont te donner de quoi assouvir ta soif. Enfin, Sahaba, رضوان الله عليهم في العقيدة وفي الأسس وفي الأصول وفي المنهج والسنة ما كان عندهم خلاف أبدا أبدا. من خالف في العقيدة أو السنة أو المنهج أنكروا عليه كائنا من كان، ويوبخونه ويهجرونه ويأمرون بهجره. ما عندهم رضوان الله عليهم هذا التسامح الموجود اليوم مع أهل البدع والضلال. انظر صنيع عمر بن الخطاب مع صبيغ، صبيغة يتكلم في متشابه القرآن فحبسه عمر بن الخطاب، وفي اليوم التالي قال ائتوني به فضربه على رأسه، لا احبسه. اليوم الثاني كذلك ائتوني به فضربه على رأسه فاحبسه. وفي اليوم الثالث وعندما أتاه اليوم الرابع قال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فاحسن قتلتي. فالذي كان بي ذهب، المرض اللي كان عندي في الرأس مشى برا، فأمر به ذهب إلى العراق وقال لهم لا تقربوه، فكان كالجمل الأجرب لا يكلمه أحد حتى تبينت توبته وكذا. وعندما جاء وقت الفتنة، وقت عثمان بن أفراخ عبد الله بن سباء والخوارج، أتوا إلى صبية فقال له حان وقتك. قال لقد ذهب الذي كان بي، لقد شفاني الرجل الصالح، نفعني الرجل الصالح. هكذا كانوا رضوان الله عليهم. دونك دون لي كومباريون دو بروفيت عليه الصلاه والسلام، دون الدوغم، دون لي كرويونس، دون لي فوندمون دو لا ريليجيون، دون لا فوا اي دون لا سنه دو بروفيت عليه الصلاه والسلام، ils avaient aucune divergence. Et s'ils avaient des divergences, ce sont des divergences dans la diversité. Il y a des choses qui sont diversifiées. Il y a des actes dans la sunna du prophète عليه الصلاه والسلام qui sont divers. Il y a des textes qui le prouvent. Regarde, quand tu fais Allah Akbar et tu ouvres les doigts que tu fais pour ouvrir ta prière, combien t'as de versets? Quand tu es dans le record, à la fin de ta prière, dans ta shahoud, etc. C'est la diversité dans la diversité. C'est la qui est louable. Parce que, pourquoi cette diversité? Dans les invocations, etc. et dans les actes. Pour ne pas être une machine et un robot. Il pourrait être réveillé tout le temps quand on fait un acte et qu'on médite ce qu'on est en train de dire et ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'il faut prendre le maximum de ce qu'on peut apprendre et de le mettre en application une fois ça, une fois ça, une fois ça, une fois ça, etc. On n'a pas. Il y a une divergence qui est louée, qui est la diversité des actes. Mais en réalité, ce n'est pas une divergence, parce que ça va de pair avec la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais quand quelqu'un vient avec des idées qui sont autres, des idées, des divergences sur la aqida, sur sunna, sur le manhaj, c'était quoi la position des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam? Il blâme son acte, il le rejette, il le corrige. Pas comme maintenant aujourd'hui avec les gens disent nos voisins, ouais, c'est nos frères. Ouais, on ne dit pas que ce ne sont pas nos frères. Ce sont nos frères en islam. Mais il y a des positions à voir avec. Prenez par exemple la position de Omar ibn Khattab avec Saber. Saber parle avec ce qui est, ce qui semble pour certains les ambiguïs du Coran. Des textes qui sont généraux, etc., et qui ne sont pas clairs pour le commun. Mais les hommes de science, ils ont la signification, etc. Ils savent le porter sur quoi il doit être porté. Et Omar ibn Khattab, il a dit, c'est toi, viens. Il l'a mis en prison. Il l'a enfermé. Le lendemain matin, il a ramené le moi sous sa bière. Il l'a ramené. Quelques coups sur la tête. Retournez-le. Enfermez-le. Le lendemain matin, il lui a fait la même chose. Quelques coups sur la tête. Le troisième jour, le quatrième jour, Sabir a dit, ya Omar ibn Khattab, ya Amir al-Mu'min, prince des croyants, la maladie que j'avais dans la tête, il est fini. Ça y est, je n'ai plus d'ambiguïté. C'est terminé. Mais si tu veux me tuer, fais le bien. Il a vu ainsi. Après qu'il parte en Irak, il a donné le message au gouverneur de l'Irak veut que les gens ne parlent pas avec lui, qu'il lui fasse le hajr. Parle pas avec lui. Mais il est resté comme le chameau de Galle, qui a la gale. Personne ne lui parle. Jusqu'à ce qu'il est devenu bien, etc. à ce moment-là. Mais quand il y a eu la fitna de Uthman ibn Affan, quand la fitna a commencé à pointer ses cornes, les perturbateurs sont venus, et ceux qui pêchent dans les eaux troubles, sont venus vers Saber. Et ton moment est arrivé. Il les a regardés, il dit, non, non, non, mon moment n'est pas arrivé. Moi, c'est fini. L'homme pieux m'a guéri. J'ai plus d'ambiguïté. C'est terminé. Non, non, non, non, non, je marche pas avec vous. Je ne serai ni khariji, ni rafidi, rien du tout. Je suis la voix du khalif bien guidé Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, comme il a ordonné Mohammed alayhi salam. Fandur l'an, sani' al-shabab. Matalan, matalan, fi Medinat Roubaï. Imam tbligi jild. Tafu an tbligh wa bisura wa yatakallam an salafiyin bi sighat la tuhtamal. Lagni ikhwan, min nahsabuhum an manhaj yusalluna wara'ah. Galak 'indahu sawtun jamil. Wa hakada yaf'alun kadhalik ma'a al-ikhwan. Galak 'indahu sawt jamil. Ikhwani jild imam la ya'rifu illa ash-shatm. والنقص من السلفية والسلفيين ويأتونه ويكتونه نسوا هذا قال لك يقرأ جيد مونبولي روي بيضات الجنوب إمام هناك ما سمعت أحدا يتكلم مثل ما تكلم به ذاك الرجل وتناقضات ينتقص العلماء والسلفية ويتكلم بكلام الله المستعان ومع هذا كله الشباب يكتل سواده ونجد الآن إذا أردت اللائحة اللائحة طويلة في هذا الباب والله المستعان هذا maintenant ce que font les jeunes maintenant je te cite par exemple par expérience dans la ville de Roubaix et à Lille voilà tu as À un moment donné, il y a eu à Roubaix un jeune imam qui a une belle voix dans le Coran. Et chaque fois, dans le Tarawih, un jour il leur fait Sudaïs, un jour il leur fait Juhayn. Mais c'est un tbligi jilt. Il a ça dans le sang. Et il a des paroles sur Salafiyin, A'oudou Billah. Malgré tout ça, les gens courent derrière lui pour aller prier chez lui. Il en est dans le fond de même avec certains ikhwan qui sont jeldes d'ikhwan dans le sang. Et qui, ils ont des paroles sur les imams de cette communauté, a'oudhu billah. Certains parmi eux disent, il faut que les savants descendent de Neptune. A'oudhu billah. Et les jeunes sont là parce qu'il a une belle voix dans le Coran. Et là, les styles langues, hein. Aussi, il y a Rouaï Bidalabal dans la ville de Montpellier. Dans un grand musalla. Et des fois, 2000 personnes qui prient là le vendredi. L'homme, il dit ces trucs sur Salafia et sur Bnoubaz. Il a dit un jour, si vous savez ce que je sais sur Bnoubaz, vous allez le vomir. Qu'est-ce que tu sais sur Bnoubaz? Ou des mensonges. Et un jour, avec une réunion avec les jeunes, il essaye de les aider. Il a dit, mais Bnoubaz, regardez, il a le climatiseur et tout. Ah! Et alors que le jeune, il lui a dit, et toi le climatiseur que tu as dans le bureau? Il a dit, ah, c'est un climatiseur qu'on m'a offert, parce que j'ai des problèmes de cœur, etc. Alors si on te l'a offert à toi, pourquoi tu reproches à celui qui est dans un pays chaud, qui a encore plus besoin du climatiseur que toi, tu lui reprochais, et tu A'udhu billah. Subhanallah. Regarde, une chose, et alors, regarde, s'il a le climatiseur, c'est haram le climatiseur? C'est haram que tu profites du bienfait d'Allah Azza wa Jal? Regardez un petit peu. L'insensé à du sud, a'oudou billah. Et malgré tout ça, les jeunes, ils accourent dans cette moussalla. Allahu musta'an. Wal'an isma' li sami' l'auza'i rahimahullahu ta'ala. Wa mawqifuhu min tawri min tawr bin Yazid. Yaqulu al-Walid bin Muslim لقي الأوزاعي ثورا، ثورا بن يزيد، لقي الأوزاعي ثور بن يزيد، وثور بن يزيد من العلماء، لكنه عنده بدعة القدر وعنده النصب أيضا، ولكنه بالقدر أشهر، وثور ابن يزيد ثقة في الحديث. سبحان الرويبدة ديالتك انت احنا دروكا، ثقة في الحديث، وكان كما يقول الذهبي رحمه الله من أوعية العلم، لكنه ابتلي بهذه البدعة، بدعة القدر. فلما لقاه الأوزاعي مد ثور يده للأوزاعي، فقبض الأوزاعي يده عنده، ما أراد السلام عليه ولا تصفيحه، مع أنه من أوعية العلم كما قال الذهبي، لكن البدعة بدعة قدر. فقال الأوزاعي لثور: اسمع يا ثور، لو كانت الدنيا لكانت المسامحة، أي لو كانت الدنيا كانت المصافحة، أسلم عليك وتسلم علي، الدنيا أمرها أمر سهل، إذا أخذت مني 1000 يورو فممكن أسامحك، لكن اسمع الآن، لكنه الدين، لكنه الدين، لكنه الدين، أي الذي منعني من مصافحتك الدين، ليس غرض من الدنيا، ليس لأمر شخصي أو كذا، الدين هو الذي منعني من مصافحتك. عندك بدعة لا بد أن أهجرك. إن هذا المنهج اليوم في من يسوسون المسلمين هنا في الغرب، فهذه قاعدة سلفية، وكتاب الشيخ النجمي حفظه الله تعالى يبين لنا هذا بيانا شافيا كافيا إن شاء الله. Voici maintenant, écoutez maintenant cette histoire de l'Auza'i, rahmatullah, l'un des grands imams de cette communauté, et sa position de Thawr ibn Yazid. Le Walid ibn Muslim dit que l'Auza'i a rencontré Thawr ibn Yazid. Thawr ibn Yazid fait partie des savants. Il est connu pour sa science. Mais il avait cette énorme innovation dans les croyances qui est le qadar. Le fait de croire comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas les choses jusqu'à ce que les gens les fassent. Il avait aussi une nasb, l'animosité vis-à-vis des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Mais il est connu plus sa réputation, c'est surtout le qadar, qu'il est qadari. Et Thawr ibn Yazid, c'est un homme de confiance dans le hadith. Un homme de confiance dans le hadith en plus. Et il était, comme a dit l'imam Dahabi rahmatullah alayhi, le maître des critiqueurs des hommes. Il a dit de lui, Thawr ibn Yazid fait partie des récipients de la science. Je sais pas si c'est quelqu'un, c'est un récipient de science. Hein? Mais il a été éprouvé par cette innovation qui est l'innovation d'Al-Qadha. Hein? Et quand l'Auza'i l'a rencontré, alors que c'est un récipient de science, comme il a dit Dahabi, Thawr هذا, il a donné, il a tendu sa main pour serrer la main de l'Auza'i. L'Auza'i a retiré sa main. Il a retenu sa main. Et l'Auza'i s'est tourné vers Thawr et lui a dit, ah Thawr, si c'était ce bas monde d'excuses et on se salue, il n'y a pas de problème. Tu me salues, je te salue, c'est pas un problème. Mais écoute bien. Ça veut dire que si tu... Tu m'as pris 1000 euros, là 2000 euros. Dans ce bas monde, il n'y a pas de problème. Mais écoute maintenant. Lakinahu din, mais c'est la religion. Les choses, c'est pas un truc personnel, mais c'est la religion. C'est la religion. Aïe, ce qui m'interdit de te saluer et te serrer la main, c'est la religion. Je ne te serre pas la main. Et je te quitte, je te dis à vous, je m'éloigne de toi, je ne te tends pas la main, et je ne te serre pas dans mes bras pour la religion. Et pour cette croyance, cette mauvaise croyance que tu as, qui est le fait de que tu sois qadari. Hein? Maintenant, cette voix comme la voix de l'Auza'i, Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont à la tête de la communauté musulmane ici en Occident? Et ça, c'est une règle chez Salaf radhiyallahu anhu. Et le livre d'Yel Sheikh Najmi, Hafidhahullah Ta'ala, va nous éclairer sur cette règle d'Yel Salaf, qui est le fait d'être particulier par rapport à l'innovateur. Tout le livre tourne autour de ça. Et dans lequel il va y avoir beaucoup d'exemples, beaucoup de citations, comme ceci, Inch'Allah. وبعضهم يأتيك بشبهة وهي قوله صلى الله عليه وسلم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين حال المنافقين وهو يعرفهم ولكن كان يقول ما بال أقوام. يقول أهل العلم في تفنيد هذه الشبهة المنافق لم يظهر لنا شيئا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله وهذا معناه أن الله أعلم بما في قلوبهم وليس لأي أحد أن يحاسب أحدا على ما في قلبه. Et d'autres te ramènent une ambiguïté. Ils te disent, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit aux hypocrites, il n'a rien fait aux hypocrites alors qu'il les connaît. Mais des fois ils montent, ils disent, qu'est-ce qu'ils ont certaines personnes à dire ceci ou à faire cela? Les hommes de science, pour anéantir et dissiper le nuage de ces ambiguïtés, disent que l'hypocrite, le munafiq, il a rien montré. Il a montré qu'il est musulman. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah et que je suis Muhammad alayhi wa sallam, qu'ils accomplissent la prière, etc. Et ça, ça prouve comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans leur cœur. Il n'appartient à personne d'aller chercher ce qu'il y a dans le cœur d'autrui. Et beaucoup de problèmes maintenant chez les gens arrivent de ça, c'est qu'on suppose, on y met des suppositions sur l'intérieur de la personne. On n'a pas le droit. L'intérieur, il est caché. T'as pas à aller. Elle te dit, ben, s'il n'a pas fait ça, ou là, s'il n'est pas venu à là, à cet endroit, etc., c'est parce que il y a quelque chose, tatati, dans son cœur, yahi, qui te le dit. T'as un signe qui te le prouve. T'as un acte qui, là, yahi, l'islam. Mais là, le cœur, tu n'as rien à y faire. Le cœur, et ce qu'il y a dans le cœur, il n'y a qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui le sait. Le munafiq, yudhir al-din. يظهر الصلاة يظهر الزكاة ومعناه أنه يجب علينا أن نعامله بظاهره أي أنه مسلم له ما لنا وعليه ما علينا ولا يجوز لنا أن ننقب على ما في باطنه أو نشق على ما في قلبه هذا حرام. هذا يقول أهل العلم حرام أن ننقب على ما في قلوب الناس. فالمنافق يترك على ما في باطنه ويؤخذ بظاهره وحسابه على الله. هكذا عامل عليه الصلاة والسلام المنافقين, عاملهم بظاهرهم. والمبتدع إذا أبطن بدعته وأظهر السنة عومل كأهل السنة. L'hypocrite, lui, il montre la religion, il prie avec les gens, il s'acquitte de la zakat. Et ça, ça veut dire qu'il est obligatoire pour nous d'agir avec lui selon l'apparence de ses actes et selon son apparence. Il est muslim, soumis à Allah, et il a les mêmes droits que nous. Il n'est pas permis d'aller chercher ce qu'il y a dans son cœur, parce que ça, on ne saurait pas y arriver déjà. C'est impossible d'y arriver. Hein? Et ceci, les hommes de science disent, c'est haram d'aller chercher, d'aller essayer de supposer ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Comment tu pourrais le savoir? C'est impossible. Cela, c'est un domaine qui est réservé à Allah Azza wa Jal. Donc l'hypocrite, il est pris tel quel. Son intérieur, c'est à lui, entre lui et Allah. Et nous, il nous appartient quoi? L'apparence de ses actes. L'apparence de sa parole. C'est ce qui nous appartient. Et son jugement sera chez Allah Azza wa Jal pour ce qui est dans son intérieur. C'est comme ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a agi avec les hypocrites. Il les a pris pour leur apparence, pour les actes qu'ils font apparaître. Mais l'innovateur, lui, si il casse son innovation, il ne la montre pas. Ben, le comportement qu'il doit être avec, c'est comme le comportement qu'on a avec les gens de la Sunna. Si son innovation, il est caché, il est en secret. Il ne va pas chercher. Hein? Il la cache dans son intérieur. Il la cache dans son cœur. Comment tu vas chercher? Tu n'as pas le droit d'aller chercher. ولكن الذي يدعو إلى البدعة وينشر النشرات ويروج الأخطاء هذا يحارب ويحذر منه والمنافق إذا أظهر النفاق أقام عليه ولي الأمر وحاكم المسلمين بعد الاستتابة وبعد أقام عليه الحد فهذا هو الفرق فيجب أن نفهم هذا بارك الله فيكم كنت celui qui appelle vers l'innovation qui est un prêcheur de l'innovation il appelle il propage des dépliants sur l'innovation, etc. Il propage des erreurs, etc. Il faut le combattre. Par les moyens adéquats. C'est pas prendre l'épée contre lui. A'udoubillah. Ça n'appartient à personne. Combattre avec la preuve. Hein? Il faut avertir contre lui. Pour que les gens ne tombent pas dans son filet. Et l'hypocrite, quand il fait apparaître son hypocrisie, le gouverneur accomplit la sentence qui se doit sur lui. Il appartient à personne d'accomplir la sentence, à part au gouverneur, une fois que les preuves sont accomplies, qu'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est au gouverneur de s'occuper de ça, et au juge de l'islam de s'occuper de ça. Ni à moi, ni à toi, ni à personne d'autre, ça n'appartient d'accomplir ça. Naam, كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كلمهم لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق ورسولنا صلى الله عليه وسلم عاملهم بظاهرهم فإن قال قائلهم ألم يظهر من أبي من أبي بن سلول شيء من ذلك قلنا نعم ظهر منه ومن غيره وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليهم الحد ولكنه عليه الصلاة والسلام تركهم ما قتلهم لما؟ لمصلحة عظيمة للدعوة والإسلام لمصلحة رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسدد الرأي ويعمل بوحي من الله عز وجل قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم لمصلحة الإسلام فهذا هو جواب أهل العلم على هذه الشبهة فيجب أن نفهمها فالمبتدع لو أبطل بدعته وما دعا إلى بدعته ما رد عليه أحد ولا كلمه أحد يعامل بظاهره والمنافق إذا أظهر نفاقه أقام عليه ولي أمر المسلمين الحد والمبتدع إذا أظهر بدعته ورد عليه أهل العلم هذا هو الفاصل بين المسألتين donc certes à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام il y avait des hypocrites et Rasoul صلى الله عليه وسلم il les savait Allah il lui a révélé des noms d'hypocrites il ne leur a pas parlé pourquoi parce que en apparence ils appliquaient l'islam et dans leur fort intérieur il y avait l'hypocrisie. Notre prophète, alayhi salatu wasalam, les a pris pour leur acte apparent. Et si certains se disent, mais Ubay ibn Salul a montré certaines formes d'hypocrisie, on dit certes, il l'a montré, il n'y a pas de problème. On est avec toi, on dit la même chose. Hein? Et d'autres, comme lui, ont montré leur hypocrisie. Et il a été demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir une sentence sur eux. Mais alayhi salatu wasalam, il les a laissés, il les a pas combattus, il les a pas tués. Pourquoi? Pour un grand intérêt pour l'islam et pour Dawa. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, son opinion, c'est une révélation min Allah azza wa jal. Il les a laissés pourquoi? Il a donné la réponse, il a dit pour que les gens ne parlent pas que Muhammad alayhi salatu wasalam zigouille ses compagnons. Hein? Beaucoup de tribus qui venaient de se convertir à l'islam, etc. Les gens sont nouveaux dans l'islam. Donc c'est une clairvoyance min Allah, c'est une révélation min Allah. Hein? Et qu'on mélange pas les pinceaux. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a excusés, les a laissés, pour l'intérêt de l'islam et pour l'intérêt de Dawa. Ça, c'est la réponse et la réplique que donnent les hommes de science à cette ambiguïté. Il faut qu'on la comprenne ainsi. Comme ça, on est clair et tranquille. Hein? Maintenant, l'innovateur, s'il casse son innovation, bah aucun homme de science ne va parler sur lui. Il ne va prendre la peine et la perte du temps pour répliquer. Parce qu'il n'y a pas d'innovation, il la cache. Comment veux-tu qu'il ait... Il ne va pas créer une innovation. Un homme de science, Cheikh Rabi' Matalan, ou la Cheikh Najmi, ne va pas aller créer une innovation de quelqu'un. C'est une perte de temps pour lui. Pour lui, son temps, il le préserve pour se brancher sur les livres de la Sunna. Hein? Moi, il va aller maintenant, ouais, il va créer quelque chose. Hada, il est innovateur, il casse son innovation, il n'appelle pas à son innovation. Ça y est, son affaire, elle est réglée. Mais, quand l'innovateur appelle à une innovation, propage des erreurs, propage des innovations dans la communauté, le devoir des hommes de science, c'est de répliquer et de montrer ses erreurs pour que les gens ne tombent pas dans le filet, ne tombent pas dans les erreurs. Hein? Il faut, et ça, c'est le point de séparation et le point d'éclaircissement dans cette situation. Donc il faut bien le maîtriser, Inch'Allah. Fa, نرجع إلى كلام الشيخ. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أن أقيموا الدين أي آمركم أن تقيموا شرائع الدين أصوله وفروعه تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم وتتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان ولا تتفرقوا فيه أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه واحرصوا على ألا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم في أصل دينكم. إلى الشيخ النجم حفظه الله تعالى دون غامني إن سيتاسيون للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه الشيخ ديال الشيخ العتيميين رحم الله أموات علماء المسلمين ونفعنا بعلمهم إن شاء الله. Donc dans l'interprétation de ce verset, et accomplissez la religion, c'est-à-dire qu'il dit, Allah vous ordonne d'accomplir la législation de cette religion, dans ses fondements et dans le détail de cette religion. Que vous l'accomplissiez en vous-même, sur vous-même, et dans votre vie, que vous faites des efforts pour l'accomplir sur les autres, et que vous aidiez dans la dévotion, dans le fait de préserver les droits d'Allah, azzawajal, et que vous ne vous donnez pas la main, et que vous ne vous entraidiez pas dans le mal, et dans le fait de faire du mal et dans l'injustice. Il a dit, ne vous divisez pas dans la religion. Il a dit, il faut qu'il y ait, cher Sadi, il dit, il faut que vous soyez unis sur les fondements de la religion, sur ses détails. Et faites très attention que des sujets ne vient pas vous constituer en groupe, que vous prenez parti pour le point de vue de telle personne, hein, ou pour le point de vue de tel groupe, etc. À tel point que il va y avoir la guerre entre vous, et vous allez être des adversaires, alors que le fondement de votre religion est le même, et que vous êtes sur le même fondement. Très attention à ça. Des fois, par exemple, quel exemple on pourrait donner à ça? Des fois, à certaines époques, il y a des frères qui se faisaient la guerre, qui ne se parlaient pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, Hada, quand il se lève, il prend la vie de Bnoubaz, il met la main droite sur la main gauche. Et Hada, il prend la vie de Cheikh Nasser, rahmatullah alayh, en lâchant les mains. Et il se constitue en groupe pour ça. Il y a eu une époque, c'était comme ça. Il se constituait en groupe, il se haïssait pour le fait qu'il tombait sur les genoux, mettant les genoux en premier pour la prosternation, là sur les mains. Hadi il prend la vie d'Yel Cheikh Ibn Baz ou Hadi il prend. Ils étaient comme ça, c'était comme ça à une certaine époque. Une guerre, c'était trop chaud. Alors, s'il revenait à Ibn Baz al-Albani, rahmatullah alayh, Bani, il a un truc essentiel, c'est qu'il faut suivre l'imam, quand l'imam il est mujtahid, il faut le suivre même dans l'innovation qu'il fait dans la prière, quand il est mujtahid. Et on rapporte de l'imam, l'Albani, rahmatullah alayh, quand il prie derrière Ibn Baz, quand il se relève dans le recours, il met la main droite sur la main gauche. Et Allah, pourquoi vous faites la guerre entre vous? Qu'est-ce que vous avez compris? Hein? Il y a une chose très importante sur laquelle il faut être clair, c'est que tu suis un imam quand c'est un imam mujtahid, mais que c'est un ennemi de la sunna. Non, mais qui ne cherche même pas la sunna. Hadana. Tu comprends, je veux dire? C'est la sunna qu'il faut suivre. Et Cheikh Nasser voit quand l'imam, comme quelqu'un mujtahid, etc., et qu'il cherche la sunna aussi, tu le suis. C'est très important. Beaucoup d'erreurs ont été commises dans le passé. Les années qui sont passées ont été très dures pour la jeunesse salafie en Europe. Et pour certaines jeunesses aussi, même en Orient. À cause de ça. Et nous devons avoir une compréhension des positions de l'Ikhtilaf. Hein? Il y a, et les hommes de science ont réservé des chapitres et des épîtres pour ça. Il faut se pencher sur ça. Bah aujourd'hui, on va arrêter là, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum, ahsallahu alaykum, jazakumullahu khairan. Et il y a les frères d'Italie qui vous passent salam. Là, j'ai dit, wallahi, pendant ce week-end, j'ai eu du truc, mashallah.